France Inter. Frédéric Sigrist est dans la place avec nous. Il s'est levé très tôt. Il a déjà travaillé pour le 5-7. Et il est là avec nous même de 5 à 6. Là, je ne sais pas totalement, mais là, un peu quand même. Merci, Charlie. Est-ce que vous vous êtes jamais dit, en regardant un film ou en lisant un livre, « Bah tiens, finalement, moi, dans cette histoire, je trouve que c'est le méchant qui a raison. Oui. » Alors, bien sûr, si le film, c'est la liste de Schindler, ça devient très gênant. Mais, par exemple, Scar, dans « Le Roi Lion », mes gosses, on regardait ça l'autre fois avec, et ils me disent « Oui, bah Scar, il est méchant !» Je dis « Mais attends, c'est quoi ce procès d'intention ?» Non mais, techniquement, c'est pas lui qui a tué Mufasa, c'est les gnous. Les gilets jaunes du Roi Lion, c'est les gnous. Mufasa, il se la raconte, monarchie de la savane et tout, mais trois gnous qui lui marchent dessus, ça y est, le veut la transformer en descente de l'île, Roi Lion. Parce que Mufasa, excusez-moi, mais il a pas le cul propre. Hein. Regarde, au début du film, il dit « Regarde mon fils qui dit à Simba, tout ce qui est dans la lumière est à nous. » Mais d'où ? Ça va le népotisme, Mufasa ? Ça va le népotisme ? J'aime bien faire Jamie. Simba, en fait, c'est Léa Seydoux avec une crinière. J'ai été à l'école du cycle de la vie. Alors, au départ, Scar et Mufasa, c'est juste une petite brouille familiale. Scar, ok, il a 2-3 dérives autoritaires. Mais lui, il veut faire entrer les hyènes au gouvernement. Avec Mufasa, les hyènes, avec la voix de Whoopi Goldberg, elles étaient parquées sur la ligne du RER et ça avait l'air de pas gêner grand monde. Hein. Je vous le dis, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et ça, on le découvre dans l'excellent livre « Le syndrome Magneto » de Benjamin Pétineau, alias Bolche Geek, un vidéaste formidable qui décrypte la pop culture sous l'angle du matérialisme et du marxisme. Bon, alors avec un nom comme Bolche Geek, on se doute bien qu'il vote pas Laurent Wauquiez. Hein. Le syndrome Magneto, du nom de l'ennemi phare des X-Men, ce groupe de mutants créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1963 chez Marvel, qui se bat pour défendre un monde qui les craint et les rejette. Dans le monde Marvel, Charline, je vous explique parce que je pense que ça c'est un truc à vous. Ouais, les mutants sont haïs pour leur apparence et leur pouvoir. Ce qui explique que les X-Men ont toujours été, depuis leur création, une allégorie des luttes communautaires, à la fois de la lutte des droits civiques pour les Afro-Américains dans les années 60, mais aussi une métaphore de l'homosexualité. Les pouvoirs des mutants se déclarant à l'adolescence, ce qui les oblige à faire l'équivalent d'un coming out. Dans la BD, alors que le professeur Xavier, le leader des X-Men, est convaincu qu'une coexistence pacifique est possible entre humains et mutants, Magneto, lui, est convaincu du contraire. Le fait qu'il soit lui-même un rescapé de la Shoah et qu'il ait vu ses proches se faire exterminer par le régime nazi a peut-être un peu joué dans sa perte de confiance dans l'humanité. Et Magneto fait partie des super-vilains à qui les faits donnent souvent raison, ce qui en fait un personnage fascinant. Les super-héros, eux, ne veulent pas changer le monde. Ils sont contraints de le laisser tel quel et de préserver le statu quo. Si Superman commençait vraiment à se mêler du réchauffement climatique, des violences faites aux femmes ou de l'exclusion, combien de temps faudrait-il pour que les gouvernements dénoncent son ingérence dans les affaires humaines et le qualifient de terroriste venu de l'espace? Le super-vilain, de par son statut de marginal, a lui la latitude de se faire le porte-drapeau du changement. Et les auteurs et autrices de ces œuvres peuvent donc utiliser la figure du super-vilain comme incarnation d'un progressisme parfois radical, face à un super-héros condamné, lui, à ne pas trop se mouiller s'il veut rester populaire. Batman a permis ses ennemis, Poison Ivy, une militante écologiste lesbienne. Catwoman, une féministe qui vole aux riches pour redistribuer aux pauvres. Harley Quinn, une bisexuelle qui s'est émancipée de la relation toxique qu'elle avait avec le Joker. Dans les films Avengers, le méchant Thanos, lui, croyait au rapport du GIEC sur le fait qu'on était arrivé au bout de nos ressources. Les méchants peuvent avoir raison. Et il ne faut pas oublier qu'à une époque pas si lointaine, Nelson Mandela était considéré comme terroriste. Il faisait partie des méchants. L'histoire est écrite par les vainqueurs, les méchants définis par le temps. Et dans le livre passionnant de Benjamin Pétineau, le changement, c'est les méchants. Frédéric Sigrist, merci pour cette pop démonstration si brillante.